Les grands propriétaires, armés de sang notaire, voudraient se donner la terre en bien héréditaire. Déjà les militaires, le montant volontaire, dessinent sur la terre un grand quadrilatère. L'aquarelliste de la rue Voltaire, pardon s'il ne sait pas se taire. L'aquarelliste de la rue Voltaire, il veut juste peindre la terre. L'académie austère, armée de gravataires, de faux langues planétaires, la langue de Voltaire. Déjà les ministères, bureaux les plus sectaires, dictent aux parlementaires ce qu'il faut de critères. L'aquarelliste de la rue Voltaire, pardon s'il ne sait pas se taire. L'aquarelliste de la rue Voltaire, il veut juste peindre la terre. Un groupe humanitaire, rempli de globes trotteurs, voudrait faire de la terre un camp humanitaire. Et dans les monastères, des universitaires, devant de beaux parterres, disent ce qu'il faut faire. L'aquarelliste de la rue Voltaire, pardon s'il a fort caractère. L'aquarelliste de la rue Voltaire, il veut juste peindre la terre. Un ancien globe-trotter, un couple gravataire, un étudiant sectaire, un moine solitaire. Un dandy libertaire, la reine d'Angleterre, un petit ver de terre, un pêcheur du Finistère. Un riche diamantaire, un dangereux gangster, une fille en peau de panthère, la faculté de Nanterre. Un club pour célibataire, la femme d'un dignitaire, une boîte publicitaire, le club de foot de Manchester. Voudrait faire de la terre. L'aquarelliste de la rue Voltaire, pardon s'il a fort caractère. L'aquarelliste de la rue Voltaire, il veut juste peindre la terre.